parce que demain, ah, tu t'en remets dans la gueule, toi. Ah, tu t'en mets dans la gueule quand même. Ah, non. Ah, tu y vas pour le voyage. Ah, c'est pas toi qui conduis l'avion. Et ben voilà, ah, bah, on est encore en rupture de Ricard. Ah, encore un petit peu de temps, il y a encore un petit peu de temps. Oh là là. Oh là, là, là, là. Mais on a de la réserve. Il y a marqué Spagna derrière. Eh, c'est filmé, t'arrêtes pas. Ah, c'est des produits régionaux. Manchinoux. Des produits régionaux du col du Barding. Allez, encore une. Gilles, tes réflexions, s'il te plaît. Ouais. Ah. Merci. Je ne voudrais pas vous le dire, mais il n'a pas de goût de vieux, le Ricard. Un petit peu d'eau quand même.